perdu. On rêvait de la vie mère et de verdure. L'un de ces bâtiments aussi grand que mon amertume. Je suis pas trop entouré donc je me sens sale ici. Faut faire tes preuves sinon des gangs qui te sollicitent. On vient d'en bas, c'est l'état qui nous y a laissé. Mentalité meurtrière, Marseille que des homicides. On m'a dit t'as le temps avant que vienne sommeil éternel. Moi j'ai répondu non. J'ai vu plusieurs petits frères qui dormaient. On m'a dit la vie est belle comme un coucher de soleil en hauteur. J'ai répondu mon cœur est glacé comme la neige qui arrive de Rotter. On m'a dit t'as le temps, sommeil éternel. Moi j'ai répondu non. Le soir j'gamberge trop à plus endormir. J'ai pas un dans les poches donc dis-moi pourquoi sortir. J'essaie de m'en sortir pour ma main, elle mérite l'or pur. Et si j'échoue dans ça pour moi c'est comme de la torture. Tu font que de me booster. Être nia c'est quand tu gardes le sourire même sans thune. Quand on fait du mal et que tu leur réponds sans rancune. Ils voulaient profiter, c'est pas grave le bon Dieu ici. Ils voulaient m'enduper, c'est pas grave c'était fatigué. On m'a dit t'as le temps avant que vienne sommeil éternel. Moi j'ai répondu non. J'ai vu plusieurs petits frères qui dormaient. On m'a dit la vie est belle comme un beau coucher de soleil en hauteur. J'ai répondu mon cœur est glacé comme la neige qui arrive de Rotter. On m'a dit la vie est belle comme coucher de soleil en hauteur. J'ai répondu mon cœur est glacé comme la neige qui arrive de Rotter. La rage de vaincre, la rage de vivre, la rage de perdre. Alors j'écris encore une page de vie. Si seulement je pouvais vous expliquer ce qui se passe au fond de moi sans me faire impliquer.